première fois, c'était en Thaïlande. À Naples. Malte, et je suis restée 2 semaines et demie en Grèce. À Amsterdam. À Barcelone. En Thaïlande. En Italie. En Indonésie, donc à Bali. 3 mois seule en Australie. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce 3e épisode de La Bougeotte, le podcast des femmes qui voyagent. Je suis Laura et je suis avec Daisy et Marine. Salut les filles! Salut. Coucou. Laura! Et oui, ça y est, on est vraiment ensemble cette fois, pas de jet lag entre nous puisque Laura, ça y est, tu es enfin rentrée du Canada. I'm back, bitches! Yeah! Enfin, on est toutes les trois plus pour très longtemps puisque cette fois c'est moi qui me barre, je me barre à la fin de la semaine. Et où est-ce que tu vas, Marine? Eh ben, je pars randonner de nouveau, comme je vous l'avais dit, et je pars randonner dans le nord de la France, dans le parc naturel régional des Caps et Marais d'Opale. Wow. Mais Marine, est-ce que c'est ce que t'avais suggéré les meufs à qui t'avais demandé des conseils? Non. Non, pas du tout. Mais merci d'ailleurs beaucoup des conseils que vous m'avez donnés parce qu'ils sont top, ils m'ont trop fait rêver. Mais j'avais pas 3 semaines, vous m'avez conseillé les 5 terres en Italie, la Suisse. Bref, je me les suis mis de côté, j'irai c'est sûr, mais là j'avais besoin d'une destination un petit peu moins loin, un petit peu moins coûteuse et puis pour une petite semaine quoi. Donc voilà. Bon, en attendant que tu partes en voyage de nouveau, on va retourner un petit peu au Canada puisque le premier sujet, c'est toi Laura qui nous l'a ramené de là-bas. T'as fait un bout de chemin avec une amie et tu voulais nous raconter son histoire. Oui les filles, aujourd'hui je voudrais vous parler de l'histoire de Magali. Magali, c'est une très bonne amie à moi, on s'est rencontrés pendant nos études à Grenoble. Et un jour, il y a quelques années, elle m'a dit qu'elle avait la maladie de Lyme. C'est une maladie chronique qui est encore très mal reconnue en France. Mais ça ne l'a pas empêchée de partir en solo au Canada, puisque je l'ai retrouvée à Vancouver et qu'on a traversé ensemble tout le Canada ensuite. Je l'ai interviewée à la fin de mon voyage à Montréal et elle m'a confié ce qui pour elle était le plus dur à supporter. Qui est compliqué à gérer, c'est la culpabilité. Parce qu'on est à l'étranger et nous-mêmes, on s'attend à avoir envie de bouger tout le temps et les gens autour de nous s'attendent aussi à ce qu'on ait envie de bouger tout le temps. Et c'est compliqué de voir l'incompréhension dans les yeux des autres quand on dit « aujourd'hui, je vais juste dormir ». Et les gens disent « mais enfin, t'es pas venu jusqu'ici pour dormir ». Ben non, mais j'ai pas vraiment le choix, quoi. C'est compliqué à gérer. Alors en fait, j'ai des problèmes de santé depuis mes 18 ans, donc 9 ans maintenant. Ça a commencé l'été de mes 18 ans. J'ai eu un petit problème cardiaque qui a rapidement dégénéré en un gros problème cardiaque. On savait pas ce que c'était. J'ai été à l'hôpital, j'ai été alitée chez moi pendant plusieurs mois. C'était une inflammation en fait, du myocarde, une myopéricardite pour être exact. La maladie était censée être terminée et j'ai repris mes études. Sauf que les douleurs ont continué et on a fini par diagnostiquer une maladie de Lyme. Donc en fait, c'est une tique qui te mord et qui t'inocule une bactérie. Et cette bactérie, en fait, une fois qu'elle est dans ton organisme, elle fait des ravages. Donc ça se traduit à la fois par un problème cardiaque, j'ai une inflammation continue au niveau du cœur, si je prends pas les médicaments, j'ai le cœur qui bat trop fort, qui s'enflamme, ça m'épuise. J'ai des douleurs articulaires, musculaires, j'ai une énergie qui est très fluctuante, je sais jamais quand je vais être pleine d'énergie ou au contraire complètement à plat, ça peut varier même au cours d'une même journée. J'ai de la chance parce qu'ils sont relativement minimes chez moi, mais quelques problèmes neurologiques, des difficultés de concentration, d'apprentissage, des trucs comme ça. J'ai décidé de partir au Canada pour mon premier voyage solo. J'avais décidé à l'origine de partir chercher du travail à Montréal et comme j'ai pas eu le visa travail que j'espérais avoir, je suis partie en touriste pour 3 mois. C'était un peu stressant déjà du fait de la gestion de l'énergie, des douleurs, pas savoir si j'allais être capable de vivre le voyage que j'espérais. Parce qu'on a toujours de grandes attentes quand on veut partir découvrir un pays, une nouvelle culture, rencontrer des gens. On a envie de tout voir, les gens nous racontent ce qu'ils ont fait et on veut faire tout ça nous aussi, faire plein de randos, visiter les villes, arpenter les rues toute la journée et... Je sais que c'est pas dans mes moyens physiques, donc il faut aussi apprendre à se connaître et savoir que, enfin, avoir les attentes auxquelles on pourra répondre, sinon on sera déçu. Mais j'ai beaucoup hésité et finalement j'ai décidé qu'un long voyage, je pourrais le faire. Donc je suis allée voir les différents spécialistes qui s'occupent de moi, cardiologues, etc., pour savoir ce qu'ils ont pensé. Puis ils m'ont prescrit les traitements habituels, mais sur une longue durée, pour que je puisse faire un petit stock de médicaments correspondant à la durée de mon voyage et embarquer tout ça dans la valise. Ce qui fait que mes médicaments prenaient plus de place que mes affaires de toilette. Et après, j'ai aussi investi dans un petit pilulier qui est une invention géniale que j'ai vue sur la table de ma grand-mère quand j'étais petite. Et je pensais pas m'en servir un jour, mais c'est très pratique. Donc en fait, une fois par semaine, je prends 10 minutes pour répartir toutes mes petites pilules dans les cases correspondantes. Et après, toute la semaine, l'avantage, c'est que j'ai pas à fouiller dans mon sac pour sortir les différentes boîtes, compter le nombre de pilules bleues, vertes qu'il faut que je prenne. Et au moins, c'est tout prêt. Alors, au début, comme j'étais très en forme, j'ai commencé par New York et Philadelphie. Et j'ai marché toute la journée et je pense que je me suis un peu trop dépensée, investie. J'étais tellement contente d'être là et d'avoir de l'énergie que j'ai surconsommé mes réserves. Donc, après, quand je suis arrivée à Vancouver, ça a été un petit peu compliqué d'arriver à lever le pied. Enfin, j'ai pas eu tellement le choix. Il y a des fois où, par exemple, quand on est en rando et que c'est galère, ben, il faut savoir prendre le temps de souffler, reposer ses jambes, ses poumons, son cœur, et admettre que ben, on ne pourra pas la faire au rythme que font les autres. Il faut aussi bien choisir les gens avec qui on part, parce que c'est compliqué de savoir avouer qu'on ne peut pas suivre. Et c'est pour ça aussi que finalement, être seule, c'est un très gros avantage. Parce que j'ai que moi à écouter et j'ai pas essayé de suivre le rythme de quelqu'un d'autre. J'ai pas culpabilisé en me disant que je retiens les personnes en arrière, que je suis un fardeau ou quoi que ce soit. Même si les gens avec qui je suis font très attention à prendre soin de moi et à me faire comprendre que je ne suis pas un fardeau, c'est une culpabilité qui reste toujours présente et contre laquelle il faut que je me batte un petit peu. Alors je pense que le moment où je me suis sentie fière de moi, c'était surtout les randos. Parce que je ne suis pas une grande randonneuse, clairement, ce n'est pas dans ma culture, ma famille ne marche pas du tout en forêt. Et c'était une grande première, mais partir au Canada sans faire de rando, ce n'est pas possible. Ce serait passer à côté de beaucoup de choses. Donc il faut prendre des randos qui montent et descendent pas trop et qui ne durent pas trop longtemps sur l'ensemble. Et de toute façon, à la fin, j'étais quand même épuisée. Et le fait de réussir à mettre un pied dans l'autre et m'accrocher sur toutes ces côtes qu'il y avait à faire, ben, j'étais fière de moi. Et paradoxalement, je suis aussi fière de moi quand j'arrive à dire ok, je m'écoute, et là c'est un moment où j'ai besoin de rester tranquille toute seule et à dire ben non, je viens pas avec vous. Parce que c'est aussi une façon de s'affirmer, de se connaître et d'assumer ce qu'on est, ce qu'on ressent. Et c'est quelque chose qui est compliqué, mais que je suis fière d'arriver à parfois faire. C'est terrible quand c'est quelqu'un d'autre qui te dit « Mais si t'en es capable, tu vas y arriver. » Parce qu'on a juste envie de lui mettre son poing dans la figure en disant « Mais laisse-moi tranquille, je suis fatiguée et je suis pas sûre d'avoir ce qu'il faut en stock. » Si on se sent capable, si on a envie de le faire, il faut pas hésiter en se disant que ça va être compliqué. Ben oui, ça va être compliqué, mais de toute façon, exister au quotidien avec une maladie chronique, c'est compliqué. À partir de là, si ça doit être compliqué à l'étranger, tant pis. Il faut juste prendre ses dispositions avant, savoir prévoir tous les cas extrêmes. J'avais dans mon sac des patchs anti-douleurs, j'ai même des seringues avec des anti-douleurs à m'injecter, des choses vraiment plus fortes au cas où vraiment je sois dans un moment où je suis bloquée sur mon lit à plus pouvoir bouger. Il faut parer à toutes les éventualités auxquelles on peut penser et savoir lâcher prise en disant « ben ok, j'ai ce qu'il faut dans mon sac et même si ça va pas, et ben tant pis, je resterai sur mon lit 3 jours s'il le faut, mais c'est ce que j'ai envie de faire et je vais le faire. » Quand on parle de ces problèmes de santé aux gens qui nous entourent, aux amis, à la famille, quand on dit qu'on veut partir voyager toute seule à l'étranger, en plus quand on est une fille et qu'on a toutes les réactions en disant « Oh, t'as pas peur ?» tout le monde nous dit « Oh là là, qu'est-ce que t'es courageuse !» Et c'est compliqué d'être au niveau de ce qu'on lit dans les yeux des autres. C'est pas courageux pour nous, c'est juste faire avec les cartes qu'on a. Et c'est notre niveau de normal. C'est pas... On fait les choses parce qu'il faut les faire et que on va pas juste rester dans notre lit si on a la possibilité d'être sur nos deux pieds. C'est pas du courage, c'est juste être nous-mêmes. Voilà, c'était le témoignage de Magali. Et quand j'ai fini de l'enregistrer, j'étais vraiment émue parce que je trouvais que ce qu'elle avait dit était très fort. Donc Mag, si tu nous écoutes depuis les États-Unis où tu continues ton voyage, je voulais vraiment te remercier d'avoir accepté de partager ça avec nous. Ouais, c'est vrai que c'est un témoignage qui est vraiment émouvant. Et je trouve que c'est d'autant plus important de parler de ça que forcément ça concerne d'autres femmes et qu'on n'a pas l'habitude d'en entendre parler hyper souvent. Donc c'est bien que ce genre de discours se démocratise et j'espère que ça inspirera d'autres femmes et qu'on aura le plaisir de les croiser sur nos routes. Et en parlant de croiser des gens sur la route, justement, Daisy, notre prochain sujet, c'est les rencontres en voyage. Parce que toi, c'est justement un de tes buts principaux de rencontrer des gens. C'est hyper important et ça fait vraiment partie de l'expérience. Oui, et j'ai vu que j'étais loin d'être la seule, en fait, à chercher ça et à me questionner là-dessus. C'est quelque chose que je vois beaucoup revenir sur les groupes de voyageuses. Des femmes qui se demandent comment faire pour rencontrer du monde au voyage. Et honnêtement, je pense qu'il n'y a rien de plus simple. Il suffit de partir en voyage. Voilà, c'est bête à dire comme ça, mais c'est aussi simple. Parce qu'évidemment, quand on voyage, et surtout quand on voyage seul et en sac à dos, le truc, c'est qu'on veut rencontrer du monde. Moi, j'ai toujours pensé que c'était la chose la plus enrichissante. Parce que ça nous apprend beaucoup sur les autres, sur leur culture, sur leur vie. Et moi, ça m'apprend aussi beaucoup sur moi-même, en fait. Et alors, qui est-ce que tu rencontres en voyage, du coup ? Donc, pour moi, il y a deux choses différentes. D'abord, il y a les rencontres avec les locaux. C'est pas les plus simples, parce que souvent, il y a la barrière de la langue. Mais je trouve que c'est parmi les plus enrichissantes et les plus fortes. Ça peut être juste une brève rencontre, hein, dans un café, dans la rue, et c'est suffisant pour faire du bien, en fait. Parce qu'on partage simplement un moment avec quelqu'un qui vit dans un monde un peu différent du nôtre, et rien que ça, ça ouvre l'esprit, ça apprend de nouvelles choses. Parfois, ça peut être plus long, comme quand on fait du couchsurfing, par exemple. Ça m'est arrivé de passer une journée entière à parler de tout et de rien avec la personne qui m'hébergeait, plutôt que de partir faire une visite. Bon, bah, vous savez quoi ? J'ai absolument aucun regret. Au contraire, j'ai passé des moments formidables que j'aurais pu trouver dans aucun guide. Et du coup, j'imagine que l'autre type de rencontre dont tu parlais, c'est celui avec les autres voyageurs. Voilà, exactement. Dans les auberges, dans les transports, et ça, c'est vraiment super facile. Parce que souvent, c'est des gens qui, comme nous, ont envie de partager quelque chose, et donc il y a toujours quelqu'un avec qui entamer la conversation, qui va vous dire « bah, je vais visiter tel endroit, tu veux venir ?» Et voilà, ça se fait tout seul. Et même pour des personnes qui se considèrent plutôt timides comme moi. Parce que quand on a envie de faire des rencontres, ça doit se voir. On est plus ouverte, plus avenante et ça passe crème. Mais alors Daisy, qu'est-ce qui se passe? Et toi, dans quel état d'esprit tu es si jamais t'accroches pas avec les gens que tu rencontres? Alors, en fait, ce qui est intéressant, c'est que je crois que sans vraiment s'en rendre compte, on pose plus facilement ses limites. Après tout, on n'a aucune raison de s'embarrasser à rester avec quelqu'un avec qui le courant passe pas. On s'en fiche un peu de préserver les apparences et tout ça, ça rend les relations plus franches et plus faciles. Entre hommes et femmes aussi, j'ai remarqué que j'étais bien plus à l'aise avec les hommes à l'étranger parce qu'on est juste là en voyage, il n'y a pas d'arrière-pensée si quelqu'un vous approche, vous propose de venir boire un café. Finalement, c'est une situation ordinaire en voyage et surtout, surtout, on est libre de repartir au moment où on veut. Après tout, cette personne, on la reverra peut-être jamais, alors on s'en fiche de ce qu'elle peut penser. Mais alors du coup, quand ça se passe bien, est-ce que t'as pas envie de garder le contact avec tout le monde? Comment tu fais? Ouais, avant j'avais vraiment tendance, comme tu dis, à vouloir garder le contact avec absolument toutes les personnes que je rencontrais. Et récemment, j'ai rencontré pas mal de gens sur ma route et ça a pas duré. Alors au début, ouais, ça a pu me rendre un peu triste. Puis ça m'a rappelé une anecdote en fait. J'étais partie faire 3 jours de trek dans la région de Sapa au Vietnam. Et sur ces 3 jours, j'ai passé toute une journée avec un couple de Français. C'était top, on s'est marré, c'était vraiment chouette. Puis on s'est quitté 2 jours plus tard à la gare routière. On buvait une bière quand la Française a lancé. C'est sympa quand même ces rencontres qu'on fait en voyage. On passe de super moments ensemble, même si on sait qu'on se reverra jamais. Alors sur le coup, je vous cache pas, ça m'a un petit peu vexée. Et finalement, j'y ai repensé récemment et je me suis dit qu'elle avait eu raison. On avait profité de l'instant présent et rien que ça, déjà, c'est énorme. C'est même ça qui fait qu'on est plus spontané dans nos rencontres. Le fait de se revoir ou pas, ça change rien aux souvenirs qu'on partage. Même si on se l'est promis et qu'on l'a pas fait, même si on a essayé et que ça n'a pas été fantastique, ça doit rien enlever au moment qu'on a vécu ensemble. Donc les filles, ne réfléchissez pas trop, n'ayez pas d'attentes spécifiques, et c'est comme ça que vous ferez les rencontres les plus sympas. Je vous le garantis. Pensez pas à demain, contentez-vous de kiffer aujourd'hui. Avoir aucune attente envers l'autre, dans le fond, ça nous rend totalement libres. Libres de faire ce qu'on veut, d'être qui on veut. Et c'est comme ça que parfois, on vit des histoires de fous auxquelles on s'attendait pas du tout et qui font les souvenirs les plus mémorables. Et donc, le livre Le sel des rencontres sortira aux éditions Les Arènes et vous pourrez le précommander très bientôt sur le site de La Bougeotte. Il est fait en partenariat avec les émotifs anonymes. Ok, d'accord, je comprends que j'étais un peu trop niaise, mais je suis pas la seule comme ça, je voudrais pas dénoncer, mais Marine, quand t'es revenue de ton voyage de Compostelle, c'était pas beaucoup mieux. Oui, Compostelle, oui, j'étais un petit peu niaise en rentrant. Bon, sur les... parce que mais c'est vrai, moi j'ai passé tout mon mois avec des gens et en fait ça a presque été plus une aventure humaine qu'une aventure, enfin voilà, c'est ce que tu disais, c'est une partie intégrante des voyages et là pour moi les rencontres cet été ça a été vraiment hyper important et tu vois ce que je trouve particulièrement agréable en voyage c'est que les rencontres que tu fais c'est des personnes que t'aurais pas rencontrées dans ta vie de tous les jours. Tu vois, moi, sur Compostelle, j'étais avec une jeune étudiante en art anglaise complètement délurée. J'étais avec un joueur de poker danois, enfin, tu vois. Et j'ai passé le mois avec eux. Et ces personnes-là, je les aurais jamais rencontrées dans ma vie quotidienne. Et ça t'ouvre, quoi. Et pourtant, c'est des personnes dont, instantanément, tu te sens proche, dont tu prends soin et tout. Enfin, c'est fort, quand même. Même si, effectivement, comme tu dis, tu les revois pas et qu'une fois retournées dans nos vies, on n'a plus les mêmes préoccupations. Et voilà. Et nous avons aussi le deuxième tome du sel des rencontres en préparation du côté de Marie. Bon, en tout cas, les filles, on honore encore le nom de ce podcast, puisque c'est vous maintenant qui avez la bougeotte. Eh ouais. Bah oui, bah ça nous a un petit peu donné envie, parce que toi, tu sais pas, t'étais au Canada, mais nous, le mois dernier, quand on a bouclé le dernier épisode avec Daisy, on s'est retrouvés à boire des bières, bon, comme souvent, hein, comme là maintenant, en fait. Non. Et puis... Et du coup, on s'est retrouvés évidemment à parler voyage et à se dire oh là là, le nouvel an, on fait quoi cette année, machin. Bon, bref, on a pris des billets et on va faire la fête ailleurs au nouvel an, on va à Varsovie. Voilà, ça nous a donné une idée de sujet du coup. On s'est dit qu'on ne devait sûrement pas être les seuls à faire ça et on se demandait si vous aviez déjà passé le nouvel an à l'étranger. Marine, t'es donc allée tendre le micro à nos auditrices. Exactement, et donc on va écouter Marion, Saïbatou, Amandine et Fanny qui nous racontent comment elles ont fêté ça. Les deux nouvelles années que j'ai passées à l'étranger, les Saint-Sylvestre, c'était au Québec, parce que mon copain est québécois, donc on va dans sa famille, on fête ça avec ses amis aussi. Et la deuxième fois, c'était assez drôle parce qu'on était dans une auberge de jeunesse au bord du Saguenay, du fjord du Saguenay. C'était très, très drôle, très folklorique. Il y avait un concert de musique où chacun amène son violon, son accordéon, son harmonica. On a aussi beaucoup dansé, pas mal bu. On n'était même pas confinés à l'intérieur parce qu'il y avait un bar de glace à l'extérieur. C'est-à-dire qu'il y a un monsieur qui est venu, dont c'est le métier, il est sculpteur sur glace, et il a sculpté le bar de glace pendant 2 jours avant. Il avait même creusé des trous, en fait, dans le bar, ce qui était des shots, donc après on pouvait aspirer avec une paille. C'était assez drôle. Ça fait des belles photos, parce que, bah, du coup, on est tous en bonnet, en mitouflé, il fait pas super chaud quand même. Et donc voilà, c'était ce mélange entre intérieur et extérieur, où on a froid, où on a très chaud à l'intérieur, on danse, et c'est folklorique, et tout le monde s'embrasse, et voilà. Et pour perpétuer cette un peu thématique du froid, on a passé donc la première nuit, le 1er janvier 2016, en faisant du camping d'hiver. Et donc on est allé planter l'après-midi notre tente un petit peu plus haut, sur un petit mont au-dessus de l'auberge. On a fait ça l'après-midi pour être bien tranquille. On a planté la tente sur le fjord, et puis on est redescendu. On a passé l'après-midi à l'auberge et on est remonté le soir juste pour dormir. La neige avait un peu recouvert la tente, ce qui est très bien en fait parce que ça isole. Et puis on a passé une super nuit au final. Et c'était génial parce que toute la culture nord-américaine de Noël, des décorations, le sapin qui est plus grand que le salon. Vraiment, il y a des traditions typiques que nous, on connaît dans la culture parce qu'on regarde des films américains, de la littérature américaine, tout ça, les séries, mais qu'on reproduit pas forcément en France, hein, comme on fait pas autant Halloween qu'eux, ou on fait pas Thanksgiving. Et c'était quand même très plaisant d'être dans ce décor un peu carte postale, cette ambiance avec ces traditions, des petits trucs qui changent tout. Moi, j'avais envie de changer d'air et d'atmosphère, en fait, et de commencer l'année dans d'autres horizons, avec du soleil, avec de la mer, avec de l'eau, et avec aussi la perspective d'apprendre quelque chose de nouveau, de démarrer l'année avec quelque chose de nouveau. Ah, c'était à Fuerteventura, ça m'avait beaucoup surprise, mais ils fêtent la nouvelle année en se mettant sur la plage, en allumant des grands feux. Ils passent la soirée, en fait, sur la plage, à la Belle Étoile. Et c'est vraiment très festif, très, très musical. Mais en même temps, c'est très calme. Mais c'est plutôt l'idée de passer l'année de manière assez simple, en même temps assez magique. Je suis partie à Lanzarote aussi. On est plutôt allé marcher au bord de l'île de Lanzarote. On a fait le tour de certaines grottes, en fait. On a pu se rapprocher d'un mirador qui vraiment donnait la vue sur deux autres îles. Moi, c'était cette possibilité-là de vivre, de pouvoir m'imprégner de nouvelles images, finalement, de commencer l'année avec quelque chose de beau, avec quelque chose d'étonnant, de décalé. Et en fait, dans Lanzarote, j'ai retrouvé un petit peu tout ça. La Belgique, très classique, vraiment purement classique, mais en même temps étonnant. À la fois, l'animation en ville et puis l'accueil des gens était très, très, très agréable. On s'est retrouvés à un moment donné dans un restaurant où il y avait une fête improvisée, pas du tout à la carte. Moi, j'ai passé un très bon réveillon à Bruxelles. Je m'y attendais pas du tout et ça m'a bien plu, en fait. Je suis partie à Prague avec deux amies. Donc, elles ont trouvé un bon plan pour partir. Elles m'ont prévenue, donc un petit texto. Et puis, ça s'est fait, ça s'est organisé dans la journée. Donc moi j'ai eu accès à un ordinateur, internet, j'ai réservé ma place. Elles ont réservé leur place de leur côté. Et ça y est, on était partis pour aller à Prague. Quoi. En une heure c'était fait. Quoi. J'avais le texto le midi, le soir je me connectais et on partait pour Prague. C'était génial. On s'est retrouvés dans un resto. Après sur une place, je crois que c'était plutôt vers le quartier juif, mais je ne m'avance pas trop, je ne me souviens plus. En fait il y avait comme une sorte de petit marché de Noël. Il y avait les petits camelots dans leurs petits cabanons et du coup certains vendaient du vin chaud, de la bière, de l'absinthe, enfin des alcools forts, des alcools traditionnels de là-bas. Des petits trucs à manger, des petits gâteaux, des trucs comme ça. Donc nous, on est allé se servir, se prendre une boisson, évidemment, pour trinquer. Ou à un moment, on a attendu des déflagrations, on a levé la tête, il y avait un feu d'artifice. Il y avait des milliers de personnes autour de nous. Tout le monde levait son verre. On a trinqué avec des gens. On n'a même pas vu leur visage. Des fois, on trinquait verre contre verre. On ne savait pas qui était qui. Mais c'était excellent, on s'est souhaité la bonne année dans des centaines de langues différentes, je crois. Ça se mélangeait tellement, c'était... je saurais pas dire, vraiment, c'est... Rien que me souvenir, en fait, ça me rend vraiment, vraiment super contente. C'est vraiment quelque chose que je conseillerais rien qu'une fois, en fait, pour voir... je sais pas, tous les gens se réunissent autour d'un événement qui est juste le passage d'une année à l'autre. C'est magnifique, on dirait que toutes les barrières tombent, c'est génial. Donc je suis partie fêter le nouvel an à Londres en 2012. En fait, j'ai connu une Anglaise qui était venue en Erasmus à Paris et on s'est hyper liés d'amitié et on avait tout un groupe d'amis français aussi qui étaient hyper potes avec elle. Donc pour le nouvel an, avec mes amis, on a décidé de simplement aller lui faire une surprise et de débarquer chez elle et voilà, de faire la teuf tous ensemble. Ses colocs et elle, du coup, avaient organisé une grosse soirée... dans une maison londonienne typique, tu sais, avec sur deux étages, t'as 3-4 chambres, un petit jardinet commun avec tous les voisins, etc., etc. Il me semble qu'elle a loué une sono exprès pour l'occasion, mais ça se fait aussi pas mal dans les soirées. On était hyper sapés comparé aux Anglais. Alors autant les Anglais, ils en ont rien à foutre. Et nous, on était là, les petits Français, on avait pris notre douche, on s'était fait beau, on s'était maquillé. Bref, on avait l'air un peu cons, en fait. Un peu coincés, et puis ça se voyait à 10 000 km qu'on était des Français, quoi. Donc voilà, on s'ambiance, on boit des coups. J'ai appris un truc pour la première fois dans ces soirées à l'anglaise, c'est que tu ne partages pas ton alcool de façon spontanée. Quand t'es étudiant anglais, et c'est comme ça. En fait, si tu veux boire l'alcool de quelqu'un, ou que tu veux partager, tu proposes, ou tu demandes. Est-ce que je peux boire dans ta bouteille de bière? Est-ce que je peux faire ceci? Est-ce que je peux faire cela? Il n'y avait pas grand monde. On devait être, je ne sais pas, genre 25 personnes. Et puis, je ne sais pas, à minuit moins 20, un truc comme ça, tout le monde est arrivé. Et là, on s'est retrouvés 50 dans une espèce de salle qui était... qui faisait office de cuisine, de salon en même temps, qui était méga pourri. et avec la musique à fond. Et là, on a fait le champagne shower, on a pris un pote et on l'a fait slammer dans toute la salle. Enfin, c'était hyper sympa, tout le monde dansait, tout le monde glissait parce qu'il y avait trop d'alcool par terre. Voilà, c'est comme ça que j'ai passé mon passage de l'année 2012 à 2013. Qu'est-ce que tu fais le lendemain du Nouvel An à Londres ? Alors, il faut savoir qu'un des trucs les plus cool à Londres, et je pense en Angleterre aussi, c'est la tradition du Sunday Roast. Le Sunday Roast, c'est que tu réserves ta table dans un pub, où tu te pointes comme ça si t'es pas beaucoup, et tu passes ta journée au pub à manger du roast, donc du rôti avec de l'English pie, etc., et tout ce que tu veux, des bons petits plats bien tradis, bien en sauce, bien réconfortants, tu vois, et tu passes une bonne partie de la journée après à boire des coups, en fait. Donc voilà, petite astuce pour tous les gens qui vont à Londres prochainement. Je vous conseille d'aller dans un pub le dimanche après, mais de vous caler avec les Anglais. Et voilà, c'est super sympa. Tout le récit, ça donne trop envie d'y être, quoi. Mm-hmm. Alors après, ce que je voulais dire, c'est que si vous aimez justement l'ambiance, il fait froid, il y a de la neige, en Europe, en général, c'est les vols de dernière minute qui sont pas hyper chers. Moi, c'est comme ça que je me suis retrouvée à faire un nouvel an à Munich, parce que j'avais envie juste de partir et c'était le vol le moins cher. Et puis Marine, c'est comme ça que... À la base, on voulait aller au soleil, on a regardé le prix des vols, on a dit « Oh, tiens, Varsovie, pas cher, on y va !» Donc, c'est cool aussi parce qu'il y a moyen de faire le nouvel an comme ça, un petit peu à l'arrache et pas cher. Faut pas croire que c'est forcément quelque chose de très cher. Bah oui, il faut le dire, on fait un podcast sur le voyage, donc on a sûrement l'air de crouler sous l'argent, mais alors pas du tout. Et en fait, ouais, il suffit juste de ne pas choisir ta destination ou juste choisir ta destination en fonction de ce qui est le moins cher. Voilà. Donc, quand il fait froid, aller au froid, ça coûte pas cher. je suis encore sponsorisée par Picard. C'est comme ça que je me fais de l'argent. Ils en fait déchaînés. Bon, après avoir parlé du nerf de la guerre, l'argent pour les voyageuses, c'est mais déjà l'heure de se quitter et on termine ce troisième épisode en vous appelant à nous suivre sur les réseaux sociaux si c'est pas déjà fait et à nous noter sur iTunes ou Apple Podcasts, c'est très important. Et nous, bah, on va trinquer à votre santé et puis on se retrouve en décembre. Allez, à plus. Salut. Salut les filles. Là, c'est le moment où on peut boire. Attends, j'ai presque fini ma bière. Merci. Oh, c'est frais.